Bonsoir. Wouhouhou. Wouhouhou. Il est chou. Il est chou. Nous sommes chou et fleur. C'était comme ça, hein? Nous sommes chou et fleur. Ne vous étiez... ne... Ok. Je quitte. Nous sommes chou et fleur. Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleur. Pas assez convaincant, je vais m'en faire. En fait, j'ai plus de voix parce que j'ai fait Martha, donc... Wouhouhou. Il est chou. Nous sommes chou et fleur. Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleur. Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleur. Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleur. Ne vous avisez... Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleur. Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleur. Ah, c'était mieux. On est de votre côté maintenant. On est de votre côté maintenant. On est de votre côté maintenant. On est de votre côté maintenant. Indigné même. Indigné même. Indigné même. Délivré. Délivré. Délivré. Délivré. Délivré. Je ne sais pas. Je tente des trucs. Équipé si mal. Équipé si mal. Équipé si mal. Équipé si mal. Équipé si mal. Équipé si mal. Si mal, je ne sais pas. Il paie pas bien. Équipé si mal. Franck. On peut venir vous aider si vous voulez. On peut venir vous aider si vous voulez. On peut venir vous aider si vous voulez. On peut venir... On peut venir vous aider si vous voulez. Ok. Oui, c'est ça. Chou-fleur. Moi, je trouve que ça vous va bien. Tu m'étonnes. Mais attends, qui a mis une veste? Ah, d'accord. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu veux lui offrir notre veste pour la réchauffer? Tu m'étonnes. Tu veux lui offrir notre veste pour la réchauffer? Tu m'étonnes. Tu veux nous ouvrir. Tu nous ouvrir. Pardon. Tu m'étonnes. Tu veux. Pourquoi tu veux nous? Bordel de merde. Tu m'étonnes. Tu veux lui offrir notre veste pour la réchauffer? Tu m'étonnes. Tu veux lui offrir notre veste pour nous réchauffer, ouais. Bah. Tu veux lui offrir notre veste pour la réchauffer? Tu veux lui offrir notre veste pour la réchauffer? Peut-être plus sincère, moins sarcastique, je sais pas. Tu veux lui offrir notre veste pour la réchauffer? Mon fleur. Oh, mais je peux lui passer moi-même. Oh, mais je peux lui passer moi-même. Oh, mais je peux lui passer moi-même. Moi-même. Ouais. Oh, mais je peux lui passer moi-même. Tenez, le voilà. Tenez, le voilà. Tenez, le voilà. Tenez, le voilà. Oh, mais je peux lui passer moi-même. Tenez, le voilà. Tenez, le voilà. C'était vraiment précipité. Tenez, le voilà. Non, moi, c'est Fleur. Pardon, je me fais rire de ça. Ah, merci, c'est chou. Non, moi, c'est Fleur. Non, moi, c'est Fleur. Non, moi, c'est Fleur. Je pense que ça va, c'est assez agressif. Sinon, je peux aboyer. Non, moi, c'est Fleur. Voilà. Ton humour est vraiment de mauvais goût. Tout ça pour faire ton numéro. Ton humour est vraiment de mauvais goût. Tout ça pour faire ton numéro. Tout ça pour faire ton numéro. Ton humour est vraiment de mauvais goût. Tout ça pour faire ton numéro. Tout ça pour faire ton numéro. Ton humour est vraiment de mauvais goût. Tout ça pour faire ton numéro. Ton humour est vraiment de mauvais goût. Tout ça pour faire ton numéro. Tout ça pour faire ton numéro. Ok. Non, mais en fait, je suis déjà avec quelqu'un. Ah. Ah ah! Ha ha! Ha ha! Je me dis, bah, je le tente. Ha ha! Ha ha! Je pense que les premiers étaient bien. Oh, fais pas ta tête, chou! Mais c'est chouette, ouais, ouais, très chouette. Oh, fais pas ta tête, chou! Oh, fais pas ta tête, chou! Fais pas ta tête, chou! Oh, fais pas ta tête, chou! Non, je pense que c'est bien. Ah, pas ta tête de chou! Non, donc c'était pas bien. Oui, ça m'apprendra à lire en traviole. Oh, fais pas ta tête de chou! Oh, fais pas ta tête. Oh, fais pas ta tête de chou! Oh, fais pas ta tête de chou! Fais pas ta tête de chou. Oh, fais pas ta tête de chou. Laisse-moi la grappe. Ah, bah c'est fini. Bah voilà. Et ben je te fais des proutes. Voilà. Mais des proutes affectueuses.